C'était le Paris, Paris de l'espoir. C'était la fin des années noires. La rue Mouffetard, la rue Le Pic avait pour toi un air magique. Aux couleurs de tes aquarelles, tu savais rendre la vie plus belle. Et comme cela, deux, trois pinceaux, de la couleur et un peu d'eau. Je t'imagine dans un coin de rue, la pluie qui bruine sur l'avenue. Ta solitude, place Pigalle, promène la foule autour Réal. Peintre des foules et de la rue, de ces allées disparues, croqueur de passants, de chiens errants, visage à peine aperçu. La pipe au bec, tu t'installais autour de toi. Tout s'agitait, que de destins se sont croisés, et que de vie tu as croqué. C'était le Paris, Paris de l'espoir. C'était la fin des années noires. La rue Mouffetard, la rue Le Pic avait pour toi. C'était la fin des années noires. La rue Mouffetard, la rue Le Pic avait pour toi un air magique. Bruine du matin, enfant câlin, soleil d'été, hiver glacé, rien ne viendra briser tout ça. Loin de ta bulle, je te salue, je.